Une petite histoire, c'était hier soir, nous avons joué un concert à Berlin. Aujourd'hui, bouchon toute la journée, c'est bien pour ma tête. Et ouais, c'est triste, ouais. Pas de soundcheck, mais merci, tranquille.